Assise sur l'un des hauts tabourets du bar, Pascal riait de bon cœur. Arrivée très en avance à son rendez-vous avec Sam, elle était tombée sur Laurent Villeneuve, qui descendait tout juste d'un petit avion de tourisme, un Robin DR-400. Il s'était aussitôt proposé pour lui faire visiter l'aéroclub de fond en comble, des pistes à la tour de contrôle, en passant par les hangars, avant de la ramener boire un verre. Apparemment aussi ravi qu'elle de la chance qu'il émettait en présence, hors du cadre de l'hôpital, il plaisantait gaiement et faisait en sorte de la mettre à l'aise. Mal remise de la découverte du livret de famille, elle se sentait fatiguée. Depuis une semaine, le sommeil la fuyait, et quand elle s'endormait enfin, elle cauchemardait. Hormis le courrier à la mairie parisienne, elle n'avait rien tenté, rien décidé. Et surtout, elle n'avait pas appelé son père, à qui elle n'aurait su que dire. « Où êtes-vous parti ?» s'enquit Laurent avec un sourire désarmant. « C'est la nostalgie du pilote sans machine ? Je vous emmène faire un tour quand vous voulez, mais je sais que vous préférez l'hélico. Quand on y a goûté, ça devient vite une passion, vous verrez. Je suis déjà mordue. Samuel est un merveilleux prof. J'espère pouvoir passer le brevet d'ici 2 ou 3 mois. Il a été mon instructeur aussi. Avec lui, tout paraît facile. » À l'époque où Sam lui donnait des leçons à Issy-les-Moulineaux, ils étaient jeunes, mariés et très amoureux. Y penser la rendit soudain mélancolique. Sam allait-il épouser Marianne? Lui faire des enfants, tout naturellement, sans se poser de questions. « Si vous avez envie de voler, Pascal, faites-le. Ne mettez pas tout votre argent dans pérole. Prenez le temps de vous amuser. » Il se méprenait sur l'expression de tristesse qu'elle avait dû afficher sans le vouloir. Néanmoins, sa sollicitude était très réconfortante. « Je voudrais vous poser une question, » lâcha-t-elle de façon abrupte. « Comment s'y prend-on pour retrouver quelqu'un dont on ne connaît que l'identité, la date et le lieu de naissance ?» S'adresser à lui ne l'engageait à rien, alors qu'elle était déterminée à se taire devant Sam. Il s'entendait beaucoup trop bien avec son père. Il serait capable de l'appeler si elle lui racontait sa trouvaille. « Vous vous lancez dans une enquête personnelle ou vous écrivez un roman policier ?» Laurent souriait de nouveau, attentif, décidément charmant. Et voyant qu'elle ne répondait pas, il enchaîna. « Vous pourriez essayer une recherche sur Internet. Mais commencez par demander une fiche d'état civil de la personne concernée. D'ailleurs, vous avez au moins les 7 premiers chiffres de son numéro de sécurité sociale, s'il s'agit d'un Français. Oui. Il y a aussi la famille, les proches. » À l'entendre, c'était simple. Mais en tant que haut fonctionnaire, il ne devait pas être rebuté par les difficultés administratives. Soulagé, elle lui adressa un regard reconnaissant et eut la surprise de le voir rougir. Elle n'avait pas imaginé qu'il puisse être timide, ni qu'elle ait quoi que ce soit d'impressionnant pour un homme comme lui. « Il y avait une circulation folle !» s'écria Samuel en surgissant derrière eux. « Je suis désolée d'être en retard, mais au moins tu ne t'ennuyais pas, te voilà en bonne compagnie. » Il l'embrassa dans le cou avant de proposer d'un ton malicieux. « Tu te joins à nous pour déjeuner, Laurent ?»« Non, je ne veux pas vous déranger, je vous laisse. » Déçu par son refus, Pascal lui serra la main en le remerciant pour la visite. Puis elle suivit Sam vers le restaurant du club. La décoration était entièrement dédiée à l'aviation, avec accrochés au mur lambrissé, de splendides photos de Mirage, de Rafale, ou encore d'un super étendard appontant sur le Charles de Gaulle. « J'aurais aimé être pilote de chasse. J'ai raté ma vocation », plaisanta Samuel. Il paraissait en pleine forme, et Pascal lui envia son insouciance. « Tu as de bonnes nouvelles de Marianne ?»« Excellente. Elle profite à fond de ses vacances. Et je suis assez content de me retrouver un peu seule. Ce n'est pas très gentil pour elle. Alors disons que je ne suis plus du tout fait pour la vie à deux. » Un peu étonnée, elle se rappela à quel point il était facile à vivre, presque toujours de bonne humeur, et ne s'isolant jamais dans son coin. « Avec toi, j'ai adoré. Mais depuis, c'est fini », ajouta-t-il doucement. « Ne crois pas ça. » Je t'ai répété sur tous les tons que tu ferais un excellent père, et j'en suis toujours persuadée. Dépêche-toi de fonder une famille, Sam. » Il esquissa un sourire indéchiffrable, secoua la tête. « Figure-toi que Henri me regrette amèrement. D'après lui, j'étais le gendre idéal. » « Bien sûr, un médecin, un du sérail, tu penses. Si je lui ramène un architecte ou un plombier, il fera une drôle de tête. » « Tu y penses ? » ?»« À quoi ? » ?»« À profiter des bons conseils que tu me dispenses, c'est-à-dire à te remarier. » « J'y songerai le jour où je serai amoureuse. Je n'ai pas très envie de te voir amoureuse d'un autre. »« Sam, tu plaisantes, j'espère. Nous avons divorcé, tu t'en souviens ? » ?»« Et même échangé 2 ou 3 injures dans le bureau du juge. Je voulais désespérément des enfants de toi. J'ai dû être odieuse. Mais la page est tournée, contrairement à ce que tu me disais à Pérol samedi soir. Sa franchise parut atteindre Samuel. Il baissa les yeux et s'absorba dans la contemplation de son assiette. On venait de leur servir un confit de canard qui embaumait. Pourtant, il fit la grimace. Au bout d'une bonne minute de silence, il soupira. « Désolé, je ne t'ai pas invité pour ça. » « On va déjeuner. Ensuite, je t'emmène faire un tour et je te laisse piloter. Ma première leçon n'est qu'à 4 heures, nous avons tout le temps. » La perspective de voler enthousiasma immédiatement Pascal. « Tu as le droit de prendre l'hélico ? Ou bien ça va nous coûter la peau des fesses ? J'ai des heures gratuites en tant qu'instructeur. Fantastique !» Pour la première fois depuis 8 jours, elle se sentit vraiment gaie, capable d'oublier pour un moment le mystère familial. Après avoir englouti une part de fenêtra, riche en pâte d'amande meringuée et en citron confit, elle renonça au café pour pouvoir se lever plus vite. Samuel paraissait avoir oublié sa tentative de reconquête manquée, et il souriait de la voir impatiente comme une gamine. Ils allèrent ensemble chercher le Jet Ranger dans l'un des hangars, d'où ils le sortirent sur sa plateforme. « Nous avons aussi un Hughes 300 et un 500 », expliqua Sam en s'installant. Il la regarda tandis qu'elle bouclait son harnais de sécurité et mettait son casque. « Tu m'entends bien ? Bon, où veux-tu aller ? À Pérol ! D'accord. » La carte étalée sur ses genoux, il étudia le plan de vol et prit quelques notes. Puis il lança le moteur et les pales se mirent à tourner. Ravi, Pascal s'enfonça dans son siège. Comme tous les hélicos, le Jet Ranger était équipé de double commande. Et bientôt, elle allait le sentir vibrer sous ses doigts. Elle observa avec bonheur le décollage impeccable de Sam, l'entendit annoncer ses intentions à l'aiguilleur de la tour. En dessous d'eux, un robin roulait sur une piste et elle se demanda si c'était Laurent qui repartait se promener.